Le mari prêtre, conte provençal. Entre la ville de Ménerbe, au comtat d'Avignon, et celle d'Apt, en Provence, est un petit couvent de carmes, isolé, qu'on appelle Saint-Hilaire, assis sur la croupe d'une montagne où les chèvres même ont de la peine à brouter. Ce petit local est à peu près comme l'égout de toutes les communautés voisines de Carmes. Chacune y relègue ce qui la déshonore, d'où il est aisé de juger combien doit se trouver pure la société d'une telle maison. Ivrognes, coureurs de filles, sodomites, joueurs, telle est à peu près la noble composition des reclus qui, dans ce scandaleux asile, offrent à Dieu, comme ils le peuvent, des cœurs dont le monde ne veut plus. Un ou deux châteaux près de là, et le bourg de Ménerbe qui n'est qu'à une lieue de Saint-Hilaire, voilà toute la société de ces bons religieux qui, malgré leur robe et leur état, sont pourtant loin d'avoir trouvé ouvertes toutes les portes de leurs environs. Depuis longtemps, le père Gabriel, l'un des saints de cet ermitage, convoitait une certaine femme de Ménerbe, dont le mari cocu, s'il en fut jamais, portait le nom de M. Rodin. Madame Rodin était une petite brunette de 28 ans, à l'œil fripon, à coupe rebondie, et qui paraissait faire en tout point un excellent morceau de moine. Pour M. Rodin, c'était un bon homme, cultivant son bien sans maudire. Il avait vendu du drap, il avait été viguier, c'était donc ce que l'on appelle un honnête bourgeois. Pas extrêmement sûr de la vertu de sa tendre moitié, il était pourtant assez philosophe pour sentir que la véritable façon de s'opposer à la trop grande excroissance d'une coiffure de mari est d'avoir l'air de ne pas se douter qu'on la porte. Il avait étudié pour être prêtre, il parlait latin comme Cicéron, et jouait fort souvent aux dames rabattues avec le père Gabriel, qui, en courtisant adroit et prévenant, savait qu'il faut toujours faire un peu la cour au mari dont on a envie d'avoir la femme. C'était un véritable étalon des enfants d'Élie que le père Gabriel. On eût dit, à le voir, que toute la race humaine pouvait en paix se reposer sur lui du sein de la repropager. Un faiseur d'enfants, s'il en fut jamais, des épaules sûres, un rien d'une aune, une figure noire et basanée, des sourcils comme ceux de Jupiter, 6 pieds de haut, et ce qui caractérise spécialement un carme, fait, disait-on, sur les modèles des plus beaux mulets de la province. À quelle femme un tel égrillard ne doit-il pas souverainement plaire? Aussi convenait-il fort étonnamment à Madame Rodin. Très éloignée de trouver des facultés aussi sublimes dans le bon sire que ses parents lui avaient donné pour époux. M. Rodin avait l'air de fermer les yeux sur tout, nous l'avons dit, mais il n'en était pas moins jaloux. Il ne disait mot, mais il restait là. Et y restait, dans des moments où on l'aurait voulu bien loin. La poire était mûre, pourtant. La naïve Rodin avait tout bonnement déclaré à son amant qu'elle n'attendait plus que l'occasion pour correspondre à des désirs qui lui paraissaient trop ardents pour y résister davantage. Et de son côté, le père Gabriel avait fait sentir à Madame Rodin qu'il était prêt à la satisfaire. Dans un très court instant où Rodin avait été contraint de sortir, Gabriel avait même fait voir à sa charmante maîtresse de ces choses qui déterminent une femme, pour un peu qu'elle balance encore. Il ne fallait donc plus que l'occasion. Un jour que Rodin était venu demander à déjeuner à son ami de Saint-Hilaire, avec le projet de lui proposer une partie de chasse, après avoir vidé quelques bouteilles de vin de l'Arnette, Gabriel crut voir dans la circonstance l'instant propice à ses désirs. « Oh, ventre bleu, monsieur le viguier, » dit le moine à son ami, « je suis bien aise de vous voir aujourd'hui. Vous ne sauriez venir plus à propos pour moi. J'ai une affaire de la plus grande importance où vous m'allez être d'une utilité sans exemple. »« De quoi s'agit-il, père ?»« Vous connaissez le nommé Renoux de notre ville. »« Renoux le chapelier. » Précisément. Eh bien. Eh bien, ce drôle-là me doit 100 écus, et je viens d'apprendre tout à l'heure qu'il est à la veille d'une faillite. Peut-être, à l'heure que je vous parle, est-il déjà sorti du comtat. Il faut que j'y vole absolument, et je ne le puis. Qui vous empêche ? Ma messe, ventre bleu ! Ma messe, qu'il faut que je dise ! Je voudrais que la messe fût au diable et les 100 écus dans ma poche. Comment ? On ne peut pas vous en faire grâce ? Ah, vraiment, oui, grâce. Nous sommes 3 ici. Si nous ne disions pas chaque jour 3 messes, le gardien, qui n'en dit jamais, nous dénoncerait en cour de Rome. Mais s'il y a un moyen de me servir, mon cher, voyez si vous voulez le prendre, il ne tient qu'à vous. Et parbleu, volontiers, de quoi s'agit-il ? Je suis seul ici avec le sacristain. Les 2 premières messes étant dites, nos moines sont déjà dehors. Personne ne se doutera du tour. L'assemblée sera peu nombreuse, quelques paysans, et tout au plus, peut-être, cette petite dame si dévote qui demeure au château de... à 2 000 lieues d'ici. Créature angélique, qui s'imagine, à force d'austérité, réparer toutes les fredaines de son mari. Vous avez étudié pour être prêtre, m'avez-vous dit, je crois. Assurément. Eh bien, vous avez dû apprendre à lire la messe. Je l'ai dit comme un archevêque. Oh, mon cher et bon ami, continue Gabriel en se jetant au col de Rodin. Pour Dieu, revêtez mes habits, attendez que 11 heures frappe, il en est 10. À cette époque, dites la messe, je vous en conjure. Notre frère sacristain est un bon diable qui ne nous trahira jamais. À ceux qui auront cru ne pas me reconnaître, on leur dira que c'est un nouveau moine, on laissera les autres dans l'erreur. Je vais courir chez ce coquin de Renaud, le tuer ou ravoir mon argent. Et je suis ici dans 2 heures. Vous m'attendrez, vous ferez griller les sols, fricasser les œufs, vous ferez tirer le vin. Au retour, nous déjeunerons. Et la chasse ? Oui, mon ami, la chasse. Et je crois qu'elle sera bonne cette fois-ci. On a, dit-on, vu dernièrement une bête à cornes dans ces environs. Je veux parbleu que nous la pincions. Dussions-nous nous faire 20 procès avec le seigneur du pays ? Votre projet est bon, dit Rodin. Et pour vous rendre service, il n'est absolument rien que je ne fasse. Mais n'y a-t-il pas péché de cela ? De péché, mon ami, pas un mot. Il y en aurait peut-être à faire la chose et à la faire mal. Mais la faisant au dépourvu de pouvoir, tout ce que vous direz et rien sera la même chose. Croyez-moi, je suis casuiste. Il n'y a pas dans cette démarche ce qui se nomme un péché véniel. Mais faudra-t-il dire les paroles ? Mais pourquoi pas ? Ces mots-là n'ont de vertu que dans notre bouche. Mais aussi, elle est-elle en nous ? Voyez-vous, mon ami, je dirai ces mots-là sur le bas-ventre de votre femme, que je métamorphoserai en Dieu le temple où vous sacrifiez. Non, non, mon cher, il n'y a que nous qui ayons la vertu de transsubstantiation. Vous en prononceriez 20 000 fois les mots que vous ne feriez jamais rien descendre. Et encore, bien souvent, avec nous, l'opération manque-t-elle tout à plat. C'est la foi qui fait tout ici. Avec un grain de foi, on transporterait des montagnes. Vous le savez, Jésus-Christ l'a dit. Mais qui n'a pas de foi ne fait rien. Moi, par exemple, qui quelquefois, en opérant, pense plutôt aux filles ou aux femmes de l'assemblée qu'à ce diable de morceaux de pâte que je remue dans mes doigts, croyez-vous que je fasse venir quelque chose, alors ? Je croirais plutôt à l'Alcoran que de me fourrer ça dans la cervelle. Votre messe sera donc, à fort peu de choses près, tout aussi bonne que la mienne. Ainsi, mon cher, agissez sans scrupule. Et surtout, bon courage. Jérénie Dieu, dit Rodin, c'est que j'ai un appétit dévorant. Encore 2 heures sans déjeuner. Et qui vous empêche de manger un morceau ? Tenez, voilà de quoi. Et cette messe qu'il faut dire ? Eh, ventre bleu, qu'est-ce que ça fait ? Croyez-vous que Dieu soit plus souillé en tombant dans un estomac plein que dans un ventre vide ? Que la nourriture soit dessus ou qu'elle soit dessous, que le diable m'emporte si ça n'est pas égal. Allez, mon cher, si j'allais dire à Rome toutes les fois que je déjeune avant que de dire ma messe, je passerais ma vie dans les chemins. Et puis vous n'êtes pas prêtre. Nos règles ne peuvent vous asservir. Vous n'allez donner qu'une image de la messe, vous n'allez pas la dire. Par conséquent, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, avant ou après. Baiser votre femme, même si elle était là. Il ne s'agit que de faire comme moi. il ne s'agit pas de célébrer, ni de consommer le sacrifice. « Allons, dit Rodin, j'agirai, soyez tranquille. » « Bon, dit Gabriel s'enfuyant, et laissant son ami bien recommandé au sacristain. « Comptez sur moi, mon cher. Avant 2 heures, je suis à vous. » Et le moine, enchanté, s'échappe. On imagine bien qu'il arrive en hâte chez Madame Lavigière. Surprise de le voir, le croyant avec son mari, elle lui demande la raison d'une visite aussi imprévue. « Dépêchons, ma chère, dit le moine essoufflé. Dépêchons, nous n'avons qu'un instant à nous. Un verre de vin et à l'ouvrage. » « Mais mon mari, il dit la messe. » « Il dit la messe ? » ?»« Eh oui, morbleu ! Eh oui, mignonne !» répond le carme, en culbutant Madame Rodin sur son lit. « Oui, chère âme, j'ai fait un prêtre de votre mari, et pendant que le coquin célèbre un mystère divin, hâtons-nous d'en consommer un profane. » Le moine était vigoureux, il était difficile de lui résister quand il empoignait une femme. Ses raisons, d'ailleurs, étaient si démonstratives, il persuade Madame Rodin, et comme il ne s'ennuyait pas de convaincre une friponne de 28 ans à tempérament provençal, il renouvelle plus d'une fois ses démonstrations. « Mais, mon cher ange, dit enfin la belle parfaitement convaincue, sais-tu que le temps presse? Il faut nous séparer. Si nos plaisirs ne doivent durer qu'une messe, il y a longtemps qu'il en doit être alité missa est. » « Non, non, ma bonne, dit le carme, ayant encore un argument à offrir à Madame Rodin. « Va, mon cœur, nous avons tout le temps. Encore une fois, ma chère amie, encore une fois. Ces novices-là n'y vont pas si vite que nous. Encore une fois, te dis-je. Je parierais que le cocu n'a pas encore levé son dieu. » Il fallut pourtant se quitter, non sans promesse de se revoir. On convint de quelques nouvelles ruses, et Gabriel fut retrouvé Rodin. Celui-ci avait célébré aussi bien qu'un évêque. « Il n'y a, dit-il, que le Codorès qui m'a un peu embarrassé. Je voulais manger au lieu de boire, mais le sacristain m'a remis. Et les 100 écus, mon père ? Je les tiens, mon fils. Le drôle a voulu résister, je me suis saisi d'une fourche. Et il en a eu, ma foi, sur la tête et partout. » Cependant, la partie s'achève, nos deux amis vont à la chasse, et au retour, Rodin compte à sa femme le service qu'il a rendu à Gabriel. « Je célébrerai la messe, disait le gros Benet en riant de tout son cœur. Oui, corbleu, je célébrerai la messe comme un vrai curé, pendant que notre ami mesurait les épaules de Renaud avec une fourche. Il lui donnait ses armes. Qu'en dis-tu, ma vie ? Il les lui plaçait sur le front. Ah, bonne chère petite mère, comme cette histoire est drôle, et comme les cocus me font rire. Et toi, mamie, que faisais-tu pendant que je célébrais ? Ah, mon ami, répond Lavigière, il semblait que le ciel nous inspirât. Regarde comme les choses célestes nous remplissaient l'un et l'autre sans nous en douter. Pendant que tu lisais la messe, moi, je récitais une belle prière que la Vierge répond à Gabriel quand celui-ci vient lui annoncer qu'elle sera grosse par l'intervention du Saint-Esprit. Va, mon ami, nous serons sauvés à coup sûr, tant que d'aussi bonnes actions nous occuperons à la fois tous les deux. Donatien Alphonse François de Sade, dit marquis de Sade, lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.